Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et on va prendre la direction du monde animal. Un monde très diversifié avec toutes sortes de poissons, d'oiseaux, de reptiles, de mammifères. Pour y voir plus clair, les biologistes ont établi une classification pour regrouper les animaux un peu selon leur ressemblance. Par exemple, chez les mammifères, les chats, les tigres et les lions sont rangés parmi les félins. Chez les reptiles, les couleuvres, vipères et boas sont regroupés parmi les serpents et ainsi de suite. Mais parfois, des animaux ont certaines ressemblances alors qu'ils n'appartiennent pas du tout au même groupe. On n'a qu'à penser au dauphin qui est un mammifère et au requin qui est un poisson. On parle alors de convergence évolutive. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la réponse avec notre biologiste Cyril Barrette, professeur émérite au département de biologie à l'Université Laval. Bonsoir Cyril. Bonsoir Valérie. Alors tout d'abord, Cyril, cette classification que j'ai dit de façon vraiment très sommaire, brouillonne dans mon introduction, elle s'est faite selon des critères morphologiques, c'est-à-dire qu'on a rangé ensemble les animaux qui se ressemblent, ou est-ce qu'on peut dire que les animaux qui sont rangés ensemble sont aussi des cousins d'un point de vue de l'évolution, parce que justement ils se ressemblent? En fait, c'est toute la difficulté de la classification. Depuis, Darwin avait déjà imaginé une classification phylogénétique, donc qui traduisait la parenté entre les espèces. Et c'est seulement dans les années 1960, 100 ans après Darwin, qu'on est arrivé à développer une technique qu'on appelle la cladistique, qui permet de séparer les caractères communs hérités d'un ancêtre commun par rapport aux caractères communs qui seraient hérités de deux ancêtres différents. Donc, d'accord, ce qu'on appelle les caractères homologues, qui traduisent une parenté, et les caractères analogues qui ont simplement la même forme, comme par exemple l'aile d'un oiseau et l'aile d'une chauve-souris, origine de deux ancêtres complètement différents, mais ont un peu la même forme. Donc, ce sont des caractères plutôt analogues qu'homologues. Ben, donc, c'est ça. Donc, dans cette classification, il y a des... Bon, les animaux qui sont regroupés ensemble, qui sont homologues, enfin, qui sont regroupés ensemble, ont des ressemblances, mais parfois, donc, l'aile de la chauve-souris, puis l'aile des oiseaux, c'est un autre exemple. Effectivement, ils ont des ailes, mais ils ne sont pas du tout regroupés dans le même, dans le même embranchement. Parce qu'il y en a un qui est un mammifère, l'autre qui est un oiseau, ils ne sont pas du tout au même endroit. C'est ça. Donc, dans le fond, si on remonte au dernier ancêtre commun partagé par les oiseaux et les mammifères, on remonterait à quelque chose comme 120 ou 150 millions d'années. La question à se poser, c'est est-ce qu'il y avait un ancêtre commun, là, qui possédait des ailes et qui aurait donné en héritage des ailes aux oiseaux et aux chauves-souris? Ouais. La réponse est non. Donc, les ailes des oiseaux et des chauves-souris se sont développées sur deux branches indépendantes l'une de l'autre. Elles n'ont pas des ailes parce qu'elles ont le même ancêtre commun. Elles ont des ailes parce que, par sélection naturelle, ils ont développé des ailes pour satisfaire un besoin commun. Donc, c'est ce qu'on appelle l'évolution convergente. Deux ancêtres différents avec une évolution qui progresse, qui converge l'une vers l'autre, vers un même genre de structure, donc une aile pour voler. Mais pourtant, si on remonte dans l'évolution, à cet ancêtre commun, il devait quand même y avoir une prémisse, quelque chose, parce que finalement, dans les deux cas, cette aile vient d'une transformation du membre antérieur. Oui, c'est-à-dire que là, tu me compliques la vie un petit peu, parce que si on regarde la forme de l'aile et la fonction de l'aile, on a une évolution convergente, mais il y a une évolution commune qui traduit une parenté entre les oiseaux et les mammifères. Maintenant, si on remonte plus loin que le dernier ancêtre commun qu'ils ont partagé, si on remonte chez les vertébrés tétrapodes, donc il y avait quatre membres, là, on constate que le squelette de l'aile d'une chauve-souris et le squelette de l'aile d'un oiseau, c'est le même. Les mêmes os dans le même ordre. Donc, il y a une homologie. Donc, il y a un ancêtre commun qui a donné la structure squelettique de l'aile à tous les vertébrés. Et du membre antérieur à tous les vertébrés, et la sélection naturelle a modifié ce membre antérieur en forme d'aile chez les chauves-souris et les oiseaux. Donc il y a une homologie ou une parenté qui est trahie ou qui est révélée par le squelette de l'aile, mais pas par la forme de l'aile ou pas par la possession de l'aile. Ça se complique. Ta question m'a mis un petit peu dans le trouble, mais finalement, tu vois, ça dépend des caractères qu'on considère. Si on pense à l'aile et à la forme générale de l'aile, la possession de l'aile n'est pas un caractère qui trahit nécessairement une parenté. Par exemple, les papillons ont des ailes aussi, ou les ptérodactyles, qui sont des reptiles, avaient des ailes. Donc là, la structure squelettique de l'aile, elle trahit une parenté commune. Puis on pourrait trouver d'autres exemples comme ça de convergence évolutive? Oui, il y a beaucoup d'exemples de convergence. Par exemple, si je pense à un groupe d'animaux que je connais un peu plus, les agoutis et les chevrotins. Les agoutis sont... L'agouti est un rongeur sud-américain qui est de la taille d'un lièvre. Donc, c'est vraiment un rongeur. Il a toutes les caractéristiques d'un rongeur. Mais il ressemble beaucoup à un chevrotin qui, lui, est comme un petit chevreuil. Qui est... Donc, mm-hmm. C'est un modèle réduit de chevreuil. Mm-hmm. Donc, on a deux groupes complètement différents. Des rongeurs, un rongeur qui est un agouti, et un ongulé, comme les chevreuils, qui est le chevrotin. Et la forme extérieure de l'animal, l'écologie, l'alimentation, l'organisation sociale, tout ça est semblable à s'y méprendre. Ah oui. Quand on voit une image, même quand on voit l'animal vivant, pas seulement une photo où on le voit se déplacer, on jurerait que l'agouti est un ongulé. Il marche sur le bout des doigts, il a exactement la même forme. Il n'y a pas du tout la forme d'une souris, il a la forme d'un petit ongulé. Ah oui. La forme d'un petit chevreuil. C'est vraiment trompeur, alors. C'est vraiment très trompeur. Ouais, ouais. Là, c'est vraiment un cas de convergence parce que cette forme, encore une fois, n'a pas été donnée en héritage par un même ancêtre commun, mais s'est développée indépendamment sur deux branches qui ont convergé vers une même forme, vers une, pour remplir des mêmes besoins. Mais d'un point de vue de l'évolution, donc de la pression de sélection du milieu, comment ça s'explique? Est-ce que ça veut dire que ces deux, donc cet agouti et c'est le chevrotin, est-ce que ça veut dire qu'ils étaient dans des milieux équivalents, qu'il y a une même pression sélective et que finalement, entre guillemets, l'évolution a trouvé la même recette pour vivre dans cet environnement? Ça ressemble à ça. Alors, si on remonte dans le passé, avant l'émergence de l'agouti et du chevrotin, imaginons qu'on a deux espèces ancestrales, A et B. Ces deux espèces vivaient dans des milieux où il était avantageux de développer les mêmes genres de caractères. Donc, la sélection a favorisé chez ces deux espèces les mêmes caractères pour devenir éventuellement, acquérir éventuellement cette forme d'un petit ongulé chez les deux espèces. Mm. Donc, le même besoin a mené à la même forme ou aux mêmes adaptations par sélection naturelle. Mais il faut dire que ça, c'est un phénomène qui est relativement rare. La sélection, imaginons encore une fois, on revient très loin dans le passé avec mon espèce ancestrale A et B. Mm-hmm. La sélection aurait pu essayer de développer cette forme-là chez une espèce, réussir et pas réussir chez l'autre. Mm-hmm. Et là, on n'observerait pas de convergence. On verrait simplement des espèces différentes. Il arrive à l'occasion que la sélection réussit, étant donné le matériel de base chez l'espèce primitive A ou B, arrive à produire la même forme pour remplir un même besoin à partir de deux ancêtres différents. Mm-hmm. Mais c'est ça. En général, c'est quand même... l'évolution est plutôt divergente et c'est ce qui fait toute la biodiversité, d'ailleurs. Voilà. Les cas de convergence sont spectaculaires, nous surprennent, parce qu'on s'attend, en toute logique, que des causes différentes donnent des effets différents. Mm-hmm. Et là, on a des causes différentes, disons deux ancêtres différents, qui donnent le même résultat. Donc, ça nous surprend, mais c'est relativement rare. Ouais. Encore une fois, comme tu le dis très bien, la règle générale est de loin en biologie évolutive, c'est la divergence, d'où la grande biodiversité. Mm-hmm. Mais à l'occasion, les conditions s'y prêtant, on a une convergence vers une même forme à partir d'ancêtres différents. Mm. Est-ce que c'est aussi une convergence évolutive quand on regarde les nageoires? Parce qu'on voit, il y a des nageoires, il y a toutes sortes d'animaux, il y a plusieurs sortes d'animaux qui ont fait des nageoires, je pense aux tortues, donc qui ont fait des nageoires avec leurs pattes, bon, les poissons, les requins, mais aussi les manchots avec leurs ailes qui ont fait des nageoires. Et puis, chez les mammifères, on a des morses ou les otaries qui ont fait des nageoires. Puis toutes ces nageoires ont l'air de se ressembler, font une fonction un peu semblable aussi. Est-ce que là, c'est encore... Les animaux ne se ressemblent pas nécessairement, parce que la tortue et puis le morse ne se ressemblent pas vraiment. C'est ça. Mais il y a une partie de l'animal qui se ressemble. C'est ça. Alors, si on remonte très loin dans le passé, chez les ancêtres très lointains des tortues, on avait une forme de reptile quadrupède, terrestre, à quatre pattes. Et la même chose chez les dauphins. Mm-hmm. Et donc, ces deux espèces n'ont pas acquis des nageoires parce qu'elles les ont reçues en héritage d'un ancêtre commun, mais vivant dans un milieu semblable, ont transformé leurs pattes avant, leurs pattes antérieures, en nageoires de façon convergente à partir d'ancêtres différents. Donc, autrement dit, la possession de nageoires chez la tortue ne fait pas en sorte qu'on va conclure que la tortue est particulièrement proche parente des dauphins. Non. Ce serait trompeur de dire ça. Mm-hmm. On aurait confondu un caractère homologue avec un caractère analogue. C'est simplement un cas d'analogie. Mm-hmm. La forme, la même forme à partir d'ancêtres différents pour des fonctions semblables. C'est ça. Mais ce que je voulais dire par là, par exemple, c'est que dans les précédents, l'agouti, le chevrotin, c'est tout l'animal qui se ressemble. C'est tout l'animal. Que là, c'est un membre de l'animal, c'est ça. Voilà. La nageoire, c'est ça. Voilà. Et je crois qu'il y a des exemples quand même assez... Il y a d'autres exemples assez frappants aussi, peut-être, sur les sens. sens, comme les colocations, parce que là, avec chez la chauve-souris et chez le dauphin. Voilà. Parce que là, donc voilà. C'est, morphologiquement, les animaux sont complètement différents, mais ils ont une capacité d'utiliser, en tout cas de se repérer avec le son, avec le sonore. Donc ça aussi, est-ce que c'est un cas de convergence évolutive? C'est un cas de convergence. Encore une fois, la façon de répondre à la question, c'est de dire, retournons dans le passé jusqu'au dernier ancêtre commun partagé par les chauves-souris et les dauphins, et posons la question, est-ce que cet ancêtre avait un sonore? Est-ce qu'il a donné en héritage aux deux formes, aux deux branches, le sonore? La réponse, c'est non. Donc, les deux espèces ont acquis le sonore indépendamment. Donc, c'est l'évolution convergente. Ouais. Autrement dit, la possession, encore une fois, du sonore chez les chauves-souris et les dauphins ne trahit pas une parenté particulièrement proche entre ces deux espèces, mais simplement un même genre de réponse à un même genre de besoin. Donc, un organe des sens qui permet de voir avec les sons. Puis je me souviens qu'il y a une autre chronique, je ne sais plus quel en était le sujet, mais vous aviez parlé de l'œil de la pieuvre aussi, qui a un cristallin comme l'œil humain. Ouais. C'est quand même assez rare aussi Ça, c'est un cas compliqué parce que de tout temps, on disait il n'y a pas d'homologie entre l'œil des pieuvres et l'œil des vertébrés en général. Ça inclut tous les vertébrés, c'est-à-dire un œil à lentille, comme le nôtre. On disait, c'est évident que cet œil-là a été acquis indépendamment chez les deux formes, et c'est probablement le cas aussi. Mais il y a quand même, si on remonte, encore une fois, avec la même méthodologie, si on remonte chez des ancêtres encore beaucoup plus lointains que le dernier ancêtre commun entre les pieuvres et les vertébrés. Il faut remonter loin. On découvre l'existence de protéines qui sont sensibles à la lumière. Qu'on trouve chez tous les animaux qui ont des yeux, les insectes, les mollusques, etc. Donc là, il y a quand même une certaine homologie dans le sens que chez les pieuvres et les vertébrés, il existe des gènes possédés en commun qui permettent de synthétiser cette protéine sensible à la lumière. Donc, si on pense en termes de la protéine qui est sensible à la lumière, on a une preuve d'une parenté très lointaine, dans ce cas-ci, entre les pieuvres et les vertébrés, mais c'est pas une parenté qui concerne les yeux en forme de lentille non plus. Parce que les yeux en forme de lentille eux-mêmes sont apparus après. Ah oui. Donc, la protéine en question, on la trouve chez tous les animaux qui ont des yeux. Ouais. Cet œil qui a la forme d'une caméra, si on veut, comme les vertébrés et les pieuvres, c'est apparu longtemps après. Il s'est développé dans les deux groupes par évolution convergente et non pas par héritage commun. Je ne sais pas si vous suivez ce que je veux dire. Là. Il y a une certaine... C'est parce que oui, effectivement, donc il y a effectivement un héritage commun qui est ces cellules qui sont ces molécules sont réceptrices de la lumière. Voilà. Mais c'est pas ça qui aurait induit ou qui serait à la base du développement de cette lentille. C'est ça. Les pieuvres auraient pu développer un œil complètement différent, comme l'œil à facettes des insectes, par exemple. Ouais. Mais non, il a développé par les hasards évolutifs. Par la contingence, un mot que j'aime bien utiliser, par sélection naturelle, pour remplir un même besoin. Ouais. Le hasard a fait que les pieuvres ont développé la même sorte d'œil que les vertébrés. Ouais. Mais à l'envers, cependant, non? C'est à l'envers. Donc là, c'est un bel indice pour indiquer que ce n'est pas un cas de convergence, ce n'est pas un cas d'homologie, mais c'est un cas d'analogie, puisque la rétine chez les vertébrés est montée à l'envers, alors que la rétine chez les pieuvres est montée à l'endroit, de la façon logique de monter une rétine. La nôtre fonctionne quand même, mais elle est quand même montée à l'envers. Donc, ça montre que on n'a pas acquis ces yeux-là d'un ancêtre commun qui nous aurait donné les caractéristiques de la caméra, si on veut. Ouais. Puis, je reviens aussi, parce qu'un peu plus tôt, vous avez parlé cet exemple, la goutille et le chevrotin, que je ne connaissais pas, d'ailleurs, je le découvre. Des mots qui peuvent servir en Scrabble. Oui, c'est ça. Et la convergence évolutive n'était pas seulement au niveau morphologique, mais sociale. Oui, absolument. Donc, et du comportement également? Oui, oui. Parce que, puisque, dans le fond, ce qu'on appelle le phénotype, là, tous les caractères des espèces qui ne sont pas les gènes, donc les caractères anatomiques, physiologiques et même comportementaux, ça constitue le phénotype. Donc, la vie sociale, les comportements peuvent être aussi acquis par convergence évolutive. Des comportements qui servent les mêmes fonctions, la sélection peut arriver à l'occasion de produire les mêmes comportements chez des groupes qui ne sont pas parents, pas du tout apparentés, mais qui vivent dans le même genre de milieu avec les mêmes genres de besoins. Donc, là, quel est le comportement en tant que tel avec les agoutis et les chevrotins? C'est quoi leur comportement? La vie sociale solitaire, ce sont des animaux forestiers, ce sont des animaux qui cherchent de la nourriture qui est dispersée sur le sol forestier, des animaux qui utilisent beaucoup la communication olfactive, ils ont développé des glandes odorantes pour communiquer. Donc, tout un ensemble de caractères, en plus de l'anatomie, parce que là, vous avez quand même un rongeur qui marche sur le bout des doigts comme un chevreuil. Comme un cheval, ou comme n'importe quel ongulé. Ouais. Donc, c'est dans les moindres détails si on regarde le squelette en général, on voit bien que c'est deux mammifères, mais un est un rongeur avec des dents de rongeur, une dentition de rongeur. L'autre est un ongulé avec une dentition d'ongulé primitif. Et de l'extérieur, vous les mettez côte à côte, vous avez l'impression que c'est deux espèces jumelles. Mmh. Mais est-ce que le rongeur ronge encore? Ah, oui, absolument. Oui? Okay. Absolument. Donc, il ne consomme pas exactement. Il peut avoir accès à des formes de nourriture auxquelles le chevrotin ne pourra pas toucher du tout. Par exemple, des noix très dures. Le rongeur pourra les gruger, mais pas la goutille. Mmh. Donc, évidemment, ça demeure un rongeur et l'autre demeure un ongulé. Mmh. Mais dans la forme extérieure, dans l'écologie, dans les comportements sociaux, dans l'organisation sociale, dans la distribution, dans l'habitat, ils se ressemblent énormément. Mais ça demeure quand même un rongeur et un ongulé. Mais ils vivent pas au même endroit, je me souviens pas du tout. Le chevrotin, on le trouve en Afrique et en Asie, alors que la goutille est en Amérique du Sud. Sinon, ce serait des concurrents, sinon ça marcherait pas. Oui. Ils pourraient compétitionner pour la même niche, parce que, en fait, ils occupent, ces deux espèces occupent la même niche. Ouais. La même niche écologique, même si on les trouve sur des continents différents. La sélection a convergé vers la même niche écologique à partir d'un rongeur et d'un ongulé. Mmh. C'est quand même assez fascinant que dans une même niche, finalement, la sélection ait bricolé la même solution, mais à ce point-là, que ça se ressemble à ce point-là, y compris sur le comportement. Ça se comprend un petit peu parce que le nombre de solutions possibles, accessibles à la sélection, est quand même limité. Si on veut fabriquer un animal de la taille d'un lièvre qui a ce mode de vie, puis qu'on essaie de le faire à partir d'un rongeur ou à partir d'un ongulé, on va arriver avec le même genre de solution. De la même façon que les exemples qu'on citait tantôt, si on veut produire un animal ou construire un animal qui est capable de nager rapidement dans un milieu relativement visqueux comme l'eau, il va avoir un peu la forme d'un requin ou d'un dauphin. Oui, je comprends qu'il y a comme une mécanique, une physique de l'eau, du mouvement dans l'eau, d'aérodynamisme, etc., qui va conduire vers une forme optimale. La sélection naturelle est contrainte par la mécanique des fluides, l'espèce sur laquelle elle travaille. Mais là, quand ça va jusqu'au développement d'un comportement, il me semble que c'est poussé quand même plus loin. Ça nous paraît pousser plus loin parce qu'on oublie que le comportement, ça fait partie du phénotype. C'est-à-dire que les adaptations comportementales servent les mêmes fonctions que les adaptations anatomiques ou physiologiques, c'est-à-dire maximiser la survie et la reproduction des individus. Mais on a l'impression que le comportement est un peu à part. Mais le comportement fait partie de l'héritage des gènes puis des caractéristiques ou des attributs qui sont confectionnés par les gènes des individus. Et est-ce qu'on retrouve des cas de convergence évolutive au niveau du comportement sexuel? Oui, sûrement. Faudrait que je pense à des exemples. Les comportements de cours et de séduction, entre guillemets, par exemple, chez la plupart des espèces de primates, ça se ressemble. Si on compare les comportements de cours et de reproduction et l'utilisation des odeurs, par exemple, dans les comportements de cours et de séduction chez les félidés, donc les félins et les canidés, comme les loups, entre un lynx et un loup, il y a une grande similitude. Les deux ne se couplent pas ensemble du tout, mais il y a une grande similitude, il y a une convergence. Encore une fois, je pense, en grande partie parce que le nombre de solutions possibles est très limité. Mm-hmm. Donc, la sélection est contrainte, pas seulement par les lois de la physique, mais il y a une limite au nombre de solutions possibles. Quand il y a ces contraintes, la sélection, soit elle ne réussit pas à produire chez deux espèces distinctes la même adaptation, soit elle réussit. Quand elle réussit pas, on s'en aperçoit pas. Quand elle réussit, on est impressionné par la convergence. C'est ça, exactement. Et qu'est-ce qu'il en est peut-être un autre cas de convergence évolutive curieux aussi, des bandes poissons qui évoluent tous en même sens. On voit, ils tournent tous en même sens, puis on voit la même chose avec les nuées d'oiseaux. Les nuées d'oiseaux ou des boules d'insectes, des boules de mouches. Là. Oui, oui. Ça répond exactement au même genre. C'était une très belle illustration des limites des solutions possibles. Le nombre de solutions possibles est très réduit. Donc, il y a une mécanique du vol. Le vol, on peut qualifier les poissons comme s'ils volaient dans l'eau. Oui, oui. Donc, il y a un grand nombre d'individus qui se déplacent d'une façon coordonnée dans un fluide, que ce soit en vol ou en nage. Il y a des règles de physique qui s'appliquent dans les deux cas, qui fait que ça se ressemble beaucoup, même s'il s'agit de mouches ou d'oiseaux ou de poissons. OK, c'est vraiment mécanique. Moi, je pensais que c'était un comportement. Il y en a un qui détecte quelque chose, un danger, puis tous, par imitation, ils disent, s'il s'en va, il doit avoir raison, il faut faire pareil que lui. Oui, mais la coordination impressionnante qu'on voit vient du fait que, si j'ai oublié les détails, mais ça vient du fait essentiellement que chacun des oiseaux porte une très grande attention à ses plus proches voisins. Oui. et dans ses déplacements. Donc, même s'il se déplace très, très vite, il est capable d'ajuster son vol ou sa nage en fonction de la position et du mouvement des plus proches voisins. Et comme chacun le fait, bien, on voit comme une coordination, comme s'il y avait un chef d'orchestre qui menait le ballet de ces individus-là, alors qu'en fait, c'est une simple mécanique de l'observation, de la position et du mouvement, mais qui se fait de microseconde en microseconde, ce qui fait que ça nous impressionne, parce qu'on a l'impression que c'est synchronisé au point qu'on a l'impression que c'est un seul organisme qui se déplace. C'est ça. Ouais. Alors qu'il y en a peut-être des milliers dans ce vol d'oiseaux. Mm. Je me demandais aussi si on pouvait, parce que là on parle de convergence évolutive, mais avec des espèces assez éloignées, mais est-ce qu'on peut aussi considérer de la convergence évolutive au sein d'une même espèce, comme l'homme par exemple, mais qui s'est répandu partout sur la Terre, donc qui s'est adapté dans des conditions différentes, et il y a plein de sous-populations. Et puis que ces différentes sous-populations auraient été confrontées à des milieux semblables, et donc auraient dû s'adapter à ces milieux semblables, mais de façon différente. Je pense par exemple aux peuples qui vivent en altitude au Tibet ou dans les Andes par exemple, qui doivent s'adapter, qui doivent vivre dans un milieu pauvre en oxygène. Donc, ils ont dû s'adapter. Est-ce qu'on peut encore parler de convergence évolutive à ce niveau-là? Oui, oui et non. Le mécanisme est le même. C'est-à-dire qu'on a un besoin commun, par exemple, de vivre en altitude, ou si on pense aux chasseurs-cueilleurs qui vivent en Papouasie-Nouvelle-Guinée, par exemple, les papous ou les pygmées, ils vivent dans la forêt équatoriale. Oui. Le besoin est le même. La sélection naturelle a tendance à favoriser les caractères qui facilitent la vie dans ce milieu-là. Mais quand c'est à l'intérieur... Donc, le mécanisme semble le même que l'évolution convergente. Mais quand c'est à l'intérieur d'une même espèce, on parle plutôt d'évolution parallèle que d'évolution convergente. Ouais. Parce qu'on part pas de deux espèces différentes. On part de la même espèce. On part du même bagage génétique général de l'espèce. Des individus qui peuvent se reproduire tous les uns avec les autres. Et là, des populations se retrouvent dans des milieux semblables. Soit la sélection réussit pas à les adapter et ils disparaissent ou ils déménagent. Et si elle réussit, ben là, il y a des adaptations qui sont les mêmes, qui sont très, très semblables. Mm-hmm. Mais comme on part de la même espèce avec le même bagage génétique au point de départ, on a plutôt tendance à parler d'évolution parallèle. Plutôt que d'évolution convergente. Ouais. Puisqu'on part du même point. Ouais. Qu'est-ce que vous entendez par la même adaptation? Parce qu'ils sont tous les deux capables, par exemple, pour les gens en altitude, ils sont tous les deux capables de vivre dans un milieu raréfié en oxygène, mais c'est pas la même adaptation qu'ils ont, par contre. Ils ont un certain nombre d'adaptations communes. La capacité pulmonaire qui est plus grande, la capacité de produire de l'hémoglobine, des globules rouges est plus élevée. Donc, c'est des solutions qui sont semblables au même problème. Le problème de respirer de l'air pauvre en oxygène. Mm-hmm. Et encore là, il y a une limite aux solutions possibles que la sélection peut rechercher. Ouais. Donc, on trouve une ressemblance. Donc, ça converge, si on veut, vers les mêmes solutions. Donc, on trouve les mêmes adaptations. Si bien qu'on pourrait prendre un Péruvien et le déménager au Tibet... Il va s'en sortir. Il va s'en sortir. Il aura pas mal à la tête. Sûrement pas comme toi et moi. Ouais, c'est ça. Maintenant, je vous propose qu'on se projette dans l'univers. On va faire un bond gigantesque. Est-ce que la convergence évolutive pourrait nous aider à imaginer la vie dans l'univers? Faudrait faire très attention parce que on aurait trop la convergence des espèces sur Terre est tellement impressionnante qu'on a l'impression que c'est un phénomène très, très, très répandu. Encore une fois, il est très, très rare, ce phénomène. Ouais. Donc, on aurait tendance à penser que le seul échantillon de vie qu'on connaît donc la vie sur Terre serait représentative de ce qu'on va trouver ailleurs. Autrement dit, on s'attendrait à trouver des mammifères ailleurs, on s'attendrait à trouver des poissons ailleurs ou des champignons ailleurs. Je pense que ce serait une erreur. Encore une fois, parce que la divergence est beaucoup plus courante et beaucoup plus puissante que la convergence. Et même sur Terre, où les espèces ont évolué à partir d'ancêtres communs et à partir dans les mêmes conditions, à peu près, historiques à long terme, et sur la même planète, la vie a produit par évolution, par sélection naturelle, une grande diversité. À plus forte raison sur une autre planète par rapport à ici, où la planète est différente, toutes les conditions sont différentes. L'histoire de la vie là-bas est complètement différente ici, dans les grandes lignes et par tous les méandres et tous les détours et tous les raccourcis de l'histoire. Donc, on s'attendrait à trouver de la vie très différente ailleurs. Donc, cet argument-là qui dit l'évolution convergente est tellement capable de faire des exemples spectaculaires sur Terre qu'on s'attend à ce que la vie ailleurs ressemble à la vie ici, je pense que ce serait une erreur. à mon avis, de biologiste évolutionnaire, je pense que la vie ailleurs va nous surprendre, mm-hmm. au-delà de notre imagination. Ouais, ouais. Puis même si on mettait même les mêmes conditions ailleurs, sur une même planète qui aurait les mêmes conditions, les mécanismes sont tellement, ont tellement toute latitude, on dirait, avec des histoires différentes, etc., là, et toute la contingence quand, également. Quand on pense à tous les détails historiques qui ont dû se succéder sur ouais. Terre, par exemple, pour produire ouais. l'espèce humaine, ouais. c'est impossible que cette histoire-là, dans le détail, se reproduise sur Terre, à plus forte raison ailleurs. Voilà, c'est donc, ça. Donc, ailleurs, on va trouver autre chose. Et même les meilleurs auteurs de science-fiction, comme on dit, je suis ouais. sûr qu'on n'arrive pas à imaginer à quoi la vie va ressembler ailleurs. Donc là, on s'attend, on va être surpris plus que dans n'importe quel autre domaine de la science, je pense, quand on va découvrir les premières formes de ouais. vie ailleurs. Donc la convergence est plutôt nuisible pour essayer d'imaginer la vie ailleurs. Donc on va laisser ça avec un grand point d'interrogation sur à quoi peut bien ressembler la vie ailleurs. Cyril, comme d'habitude, c'était un plaisir de décortiquer les mécanismes de l'évolution. Donc je rappelle que Cyril Barrette est professeur émérite au département de biologie à l'Université Laval, et on se retrouve dans 4 semaines pour un autre sujet. Un autre sujet passionnant. Un autre sujet passionnant. Ouais, ouais. Merci Cyril. Merci à toi. Au revoir.